Merci Mathieu et à demain. Nous autres humains sommes le nec plus ultra de l'évolution, les organismes les plus évolués, les plus dominants aussi, et surtout un cran au-dessus de ce règne animal qui nous est si lointain, si étranger. Et nous valons d'ailleurs bien mieux qu'eux, voilà en quelques lignes le résumé d'environ 2000 ans, si ce n'est plus, d'une conception anthropocentrée totalement erronée, qui n'est certainement pas étrangère au rapport que la plupart de nos sociétés entretiennent avec la nature et avec le règne animal, dont nous ne sommes pas issus, mais dont nous faisons partie. C'est ce récit que l'évolution doit nous apprendre à déconstruire, et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. L'humain, un animal comme les autres, c'est le programme systématique qu'elle note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour déconstruire pas à pas ce récit encore solidement ancré dans notre inconscient collectif, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à ce micro Guillaume Lecointre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, enseignant, chercheur en systématique et en zoologie à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité, également conseiller scientifique du président du Muséum Bruno David. Vous venez de republier, c'était il y a quelques mois déjà, la deuxième version de ce grand, imposant et passionnant guide critique de l'évolution aux éditions Belin. Lorsqu'on évoque, Guillaume Lecointre, la théorie de l'évolution, il y a une image qui revient très souvent, trop souvent, c'est celle de la fameuse marche de l'évolution. Vous savez, ce dessin qui commence par un primate qui se redresse progressivement pour aboutir à l'homme moderne. Ce dessin à la vie persistante est pourtant une aberration et raconte à quel point notre conception de l'évolution nécessite une mise à jour. Non, l'homme ne descend pas du singe. Non, l'homme n'est pas plus évolué qu'une limace. Non, l'homme n'est pas au-dessus du reste du règne animal. Et accrochez-vous bien, la sélection naturelle que l'on imagine être le moteur du changement, c'est l'exact inverse, c'est avant tout un facteur de stabilité. Et s'il était temps donc de changer notre point de vue sur l'évolution, en finir avec l'anthropomorphisme et prendre le temps de regarder autrement ces animaux que nous sommes aussi, écoutez donc ce petit extrait de la chronique matinale de Bruno David, Le Monde Vivant. Une étude de 2003 a montré que les mésanges des villes avaient déplacé leurs fréquences vers les hautes fréquences, les aigus, pour pouvoir communiquer entre elles. Une étude américaine portant sur 3 espèces installées à proximité d'une usine a démontré que les oiseaux étaient stressés par le bruit, car, ayant du mal à entendre venir les prédateurs, ils sont en permanence en état de vigilance accrue. Il ne faut pas oublier la pollution lumineuse, nos éclairages publics. Dans les grandes villes, y compris au cœur de Paris, le mode de vie du merle est devenu urbain. On entend clairement chanter ces oiseaux au petit matin et même en pleine nuit. Des études ont montré que les merles urbains se mettaient à chanter bien plus tôt que les merles ruraux. Ils sont en décalage horaire. Un ultime conseil. Nous aimons le chant des oiseaux. Nous détesterions un printemps totalement silencieux, tel que prédit par Rachel Carson. Alors profitons des oiseaux tant qu'il y en a encore et écoutons-les en nous sortant nos écouteurs des oreilles. Voilà quelques chants d'oiseaux dans cette chronique de Bruno David que vous pouvez retrouver évidemment à l'antenne de France Culture, également dans un livre que vous avez coécrit et complété avec lui, Le Monde Vivant, publié chez Grasset. C'est un petit pas à pas pour nous réapprendre à justement faire attention à ces animaux qui sont là et dont nous faisons partie, qui ne sont pas ces étrangers lointains que nous devons regarder et consommer comme si nous étions supérieurs. Oui, l'évolution nous réinsère dans la nature, dans la façon dont elle fonctionne ici et maintenant. Mais aussi, l'évolution, c'est un discours scientifique sur nos origines. Et nous nous ancrons en nature, bien sûr. Lorsqu'on dit l'homme ou l'humain est un animal comme les autres, Il ne s'agit pas d'un discours de valeur. Il y a deux façons de faire un discours. Soit on fait un discours sur les faits, et ça c'est le registre des sciences. Soit on prescrit une des valeurs, et ça c'est le registre des citoyens, j'ai envie de dire. Les scientifiques collectivement organisés en profession n'ont pas pour rôle de prescrire des valeurs. Lorsque nous disons que l'homme est un animal comme les autres, nous sous-entendons, du point de vue de l'analyse scientifique, l'humain s'analyse comme les autres espèces scientifiquement. Lorsqu'il s'agit d'interpréter les origines et même d'ailleurs le fonctionnement de l'humain. C'est difficile de déconstruire cette pensée parce que nous sommes toutes et tous les héritiers d'une de cette pensée de la supériorité de l'être humain qui est théorisée depuis l'Antiquité, enfin qui fait partie de l'écrasante majorité, en tout cas des sociétés aujourd'hui dominantes, même si évidemment il y a quelques sociétés qui considèrent le rapport au vivant différemment, mais en tout cas le discours majoritaire aujourd'hui maintient cette idée de la marche de l'évolution et de l'être humain comme détaché, coupé de ce monde animal. Oui, c'est ça. Dans les cultures périméditerranéennes, enfin le creuset occidental, on va dire, en effet, depuis l'Antiquité gréco-latine, même pour Aristote, il y a une échelle des êtres. Nous culminons au sommet de cette échelle. Et c'est une échelle néanmoins fixiste. Cette progression vers l'humain qui se pensait au début comme un empilement de complexité, au XIXe siècle, va devenir une progression évolutionniste. C'est-à-dire qu'on reste en haut de l'échelle, mais c'est un mouvement d'évolution vers l'humain, en quelque sorte, que traduisent plusieurs figures d'arbres sur lesquels on met des sommets. Alors, ce sont des arbres généalogiques, mais il y a quand même un sommet à cet arbre au XIXe siècle. Et ce sommet, c'est l'humain. Donc, c'est vrai que l'héritage est lourd. L'héritage est très présent. Il est là depuis longtemps et il s'est rhabillé avec de l'évolution à la charnière 19e-20e siècle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ça? C'est que depuis une cinquantaine d'années, la mise à jour des relations de cousinage entre les espèces nous montre que l'humain s'apparente à d'autres espèces. C'est une branche qui a sa propre histoire, mais l'espèce voisine, par exemple celle des chimpanzés, a sa propre histoire également. Et puis, une branche plus lointaine, celle du cerf, par exemple, a sa propre histoire. Tous les êtres vivants ont un lignage qui, chacun, a sa propre histoire, mais ces lignages sont reliés entre eux par des souches communes, et ça fait un arbre généalogique du vivant, mais dans lequel il n'y a pas de sommet. On imagine comme une sphère dans laquelle, enfin, c'est pas une imagination, c'est une représentation abstraite. Une sphère, ça veut dire que nous sommes tous contemporains, tous une branche parmi d'autres branches. Quand je dis parmi, c'est-à-dire que pour retracer cet arbre du vivant, la méthode qu'on utilise pour traiter des vers de terre, des chats ou des chiens, c'est la même méthode que celle qu'on utilise pour l'humain. Et donc, le discours des valeurs n'est pas présent. En tout cas, cet arbre ne prescrit rien en matière de valeurs. C'est pas un égalitarisme de valeurs et c'est pas non plus une hiérarchie de valeurs. Mais néanmoins, c'est un égalitarisme d'évolution. Je disais, évidemment, sous forme de clin d'œil, la limace est aussi évoluée que l'être humain, que tout être vivant qui nous est contemporain est aussi évolué, le fruit d'une évolution égale qui l'amène à la spécialisation qui est celle de l'état dans laquelle on les connaît aujourd'hui. C'est ça. Et qui se poursuit par ailleurs. Oui, c'est ça. C'est quand on entend égale évolution, on entend égal temps d'évolution. C'est-à-dire que le temps qui sépare l'espèce d'aujourd'hui de l'origine de la vie, c'est le même temps pour tous les lignages. Le lignage généalogique, j'entends. Mmh. Ouais. On va discuter un peu avec vous. Peut-être qu'il faut refaire, Guillaume Lecointre, un peu de sémantique, de terminologie. On va parler dans quelques minutes de ce guide critique de l'évolution, mais pour bien saisir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la systématique? Vous êtes systématicien, qu'est-ce que ça signifie la systématique? La systématique, c'est la science de la classification du vivant. Alors, systématique biologique. Il y a aussi une systématique minéralogique quand on classe les minéraux. Mais là, quand on dit systématique sans préciser, en général, on parle de la biodiversité. On va classer la biodiversité. Ça comprend aussi la raison de classer, c'est-à-dire quelle raison avons-nous de mettre dans une même boîte, dans nos têtes, dans une même boîte, l'humain, le chimpanzé, le gibbon. Eh bien, ces raisons, elles tiennent à un ancêtre commun. La systématique, elle porte un discours sur le monde. C'est pas seulement, un rangement pragmatique, c'est aussi un rangement qui dit quelque chose sur l'origine des espèces. Et donc si gibbon, chimpanzé, orang-outan et nous-mêmes, nous sommes dans la même boîte, celle des singes anthropoïdes, c'est parce que nous avons des traits communs. Et ces traits communs, nous les avons hérités d'un ancêtre commun qui vivait voici 25 millions d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, et on va y revenir parce que c'est vraiment l'un de vos travaux assez centraux et assez fondateurs, on a le sentiment que depuis bien les débuts de la théorie de l'évolution, depuis la classification du vivant, depuis Linné, depuis Darwin, finalement, eh bien on poursuit à peu près les mêmes routes, les mêmes circuits intellectuels. Or, évidemment, l'évolution de la connaissance, l'évolution des techniques nous a poussé à revoir assez radicalement, finalement, ce qui était au départ la classification initiale du vivant. Oui, il faut distinguer deux principes de changement. Il y a un principe conceptuel, enfin méthodologique, et puis il y a un principe technologique. Alors si je prends le conceptuel et le méthodologique, il y a eu, dans notre discipline, une révolution en 1950, en gros, qui a porté ses fruits à partir de la fin des années 60. C'est ce qu'on appelle la classification phylogénétique. Alors que veut dire ce mot, phylogénétique? C'est-à-dire que on trouve les moyens, enfin, de réaliser concrètement le rêve de Darwin. Le rêve de Darwin, en 1859, c'était mettre dans un même groupe des espèces parce qu'elles sont étroitement apparentées entre elles, plus apparentées entre elles qu'elles ne le sont de n'importe quoi d'autre en dehors. C'est de faire, en quelque sorte, de la classification à partir de la généalogie, disait Darwin. Eh bien, Darwin a prescrit, en quelque sorte, le programme de recherche, mais il n'a pas trouvé la méthode pour le faire. D'ailleurs, il le dit, hein, j'ai pas trouvé. Les registres d'état civil, ils ont disparu. Enfin, il n'y a pas d'ancêtres. Les ancêtres ont disparu par définition. Oui. Donc, comment faire? Le comment faire, c'est Willy Hennig, un Allemand qui va trouver la méthode en 1950 et qui la publiera en anglais en 1966. Et à partir de là, on a pu réaliser ces classifications. Et là, des bouleversements sont arrivés, en effet, parce qu'on s'est aperçu, en suivant ce programme et en le réalisant, que, par exemple, eh bien, une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. Le groupe des poissons devenait tout à coup hétérogène. Un requin est plus apparenté à vous qu'il ne l'est d'une lamproie. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'une lamproie à la bordelaise, c'est pas un animal qu'on croise tous les jours, mais on le mange quand même en France, hein, la lamproie. Eh bien, les poissons s'avèrent ici aussi hétérogènes. Et puis le fameux sélacanthe, vous savez, ce poisson dont on parle toujours, parce que on a découvert une forme moderne en 1938 qui était très ressemblante, à peu de choses près, à une forme fossile d'il y a 80 millions d'années. On l'avait qualifié d'ancêtre, entre guillemets, je mets plein de guillemets à ça, hein. Mais pourquoi? Parce que ce sélacanthe, il est plus apparenté à nous qu'il ne l'est de la truite. Il a des humérus et des fémurs, par exemple. Bref, cette révolution scientifique, elle a conduit à démembrer certains groupes qu'on croyait bien établis, comme poissons, voilà, comme invertébrés, et puis elle en a aussi confirmé d'autres, je précise, hein. Mammifères, c'est resté valide, vertébrés, c'est resté valide, oiseaux, c'est resté valide, etc. Le deuxième front, c'est le front technologique. C'est vrai qu'il n'y a pas que les concepts qui font changer la science, il y a aussi les nouvelles données devenues disponibles grâce à de nouvelles technologies, comme par exemple ont été la mise à disposition des technologies du séquençage facilité de l'ADN, du matériel génétique. Et là, en comparant non plus l'anatomie, mais en comparant cette fois-ci les séquences des gènes entre elles, eh bien, on peut aussi appliquer le même raisonnement du qui est cousin de qui est apparenté à qui. Et là aussi, on a eu des surprises sur ce front technologique. Par exemple, grâce au séquençage d'un grand nombre de gènes, on peut s'apercevoir que les champignons sont plus apparentés à nous, les animaux, qu'ils ne le sont des plantes vertes. Ça a été une petite surprise. Alors, pas complètement surprise, parce que dans les années 60, on se demandait des champignons, des plantes vertes et des animaux, lesquels étaient apparentés. Il y avait plusieurs options possibles. Mais on va dire que le moléculaire a tranché pour une option. Voilà. Et on va voir, parce que vous l'évoquez dans cette nouvelle édition du Guide critique de l'évolution, que le tout génétique aussi, on finalement arrive peut-être à son terme et qu'on se rend compte qu'il faut prendre d'autres paramètres en considération. C'est intéressant parce que finalement, cette théorie de l'évolution qui nous renvoie collectivement à la pensée darwinienne comme étant le point de départ et qui ne cesse finalement de continuer, même s'il se complexifie un peu, il a effectivement fallu rebattre beaucoup de cartes. Il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est celui des pachydermes, par exemple. Oui, l'exemple des pachydermes, on le prend souvent pour illustrer pédagogiquement le fait que On peut changer les classifications, mais ça change pas la présence matérielle des êtres là-dehors. En quelque sorte, le systématicien, il va mettre en cohérence logique les contenants, mais le contenu lui-même, l'existence matérielle du contenu, c'est-à-dire les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros, elle n'est pas remise en cause par le fait que vous modifiez le contenant, c'est-à-dire les concepts que vous utilisez pour regrouper ces animaux. Les éléphants sont apparentés aux sirèniens, les rhinocéros sont apparentés aux chevaux, les hippopotames sont apparentés aux cétacés. Donc le groupe des pachydermes a explosé. On ne parle plus de pachydermes aujourd'hui, mais il y a toujours bien des éléphants, des rhinocéros et des hippopotames. Donc le premier acte du intellectuel du systématicien, c'est de ne pas confondre la validité du contenant avec la réalité du contenu. Quelle différence, du coup, peut-on faire aujourd'hui et quelle différence doit-on faire entre détermination et classification ? Classer, c'est véritablement faire un geste fort, c'est faire un ensemble. Et qui va regrouper des espèces en l'occurrence puisque nous sommes en biologie. Et le geste fort, ça va pas seulement les regrouper, ça va être de justifier le regroupement, justifier donc par rapport à une intention. Il va falloir être clair sur l'intention. On peut pas poursuivre 50 intentions de front. On a eu ce tort au milieu du XXe siècle. On a eu le tort de vouloir classer selon plusieurs types d'explications. On classe sur ce que les organismes font. Et on classe en même temps sur ce qu'ils ont. Si vous classez sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils ont, ça va pas être possible. Une mouche vole, un pigeon vole. Si vous regardez ce avec quoi la mouche vole ou ce avec quoi le pigeon vole, bien qu'ils fassent la même chose avec des organes qui servent visiblement à ça, ils ne se ressemblent pas du tout, ces organes. Ce qu'ils ont ne recoupe pas nécessairement ce qu'ils font et vice-versa. Et donc, on peut pas courir à plusieurs lièvres à la fois, sinon on n'en attrape aucun. Et donc, il va falloir être clair dans l'acte de classer sur l'intention qu'on poursuit. Et aujourd'hui, c'est classer sur ce que les organismes ont, parce que c'est le seul critère un petit peu fiable pour arriver à attraper ces fameux ancêtres communs dont je parlais tout à l'heure. Quand je dis attraper, c'est entre guillemets, c'est-à-dire faire en sorte que la classification suive le mieux possible le déploiement généalogique. Déterminer, pour répondre à votre question, c'est un peu plus pragmatique, c'est pouvoir assigner un individu biologique à une catégorie déjà faite. Quelle est cette fleur que j'ai dans les mains ? On va me poser un certain nombre de questions dans une clé de détermination. Est-ce que le bord des feuilles est crénelé ? Est-ce que le bord des feuilles est lisse ? Si le bord des feuilles est crénelé, elle est page 60. Si le bord des feuilles est lisse, elle est page 75, etc. On pose plusieurs questions de proche en proche de manière à atteindre un nom d'espèce ou un nom de famille le plus vite possible. C'est vraiment, la détermination, elle est pragmatique. Alors que la classification, elle est plus profonde, elle est, j'ai envie de dire, ontologique, c'est-à-dire qu'elle dit ce qui est. Elle nomme ce qui est et en fonction de critères bien précis, je l'ai dit, chaque classification a une intention. Du coup, en fait, maintenant, la question qui se pose quand on fait de la systématique, c'est de dire, est-ce qu'il faut poursuivre finalement cette intention initiale darwinienne, qui est de dire que bien, on réunit les espèces parce qu'elles partagent, par leurs points communs les plus évidents, ou au contraire, faut-il classifier les espèces par ce qui les sépare ? Vaste question, mais c'est une question qui est beaucoup travaillée. À l'école élémentaire aujourd'hui, et puis ça a été aussi des questions qui ont animé des écoles de classification dont je ne vais pas raconter l'histoire parce que ça serait complexe, on pourrait faire une émission entière sur ce qu'on appelle le cahier des charges de la classification et des moyens d'y arriver. Il y a eu pas mal de batailles dans les années 60 et 70 à ce sujet. En prenant les choses de manière très élémentaire, si on fait fonctionner une logique de séparation pour mettre le monde en ordre, si cette logique est poussée jusqu'au bout, on isole chaque objet. On fait le contraire de classer. En biologie, il faut bien avoir conscience du fait que chaque individu est unique. Chaque individu porte la trace de son histoire, ce qui le rend, comme je le disais, donc unique. Spécifique. Oui. Si on s'empare de la logique de l'exclusion, de la séparation, de la mise à l'écart, eh bien, on va finir par atomiser le monde, on va finir par ne plus faire que des individus, en quelque sorte. Et on va perdre cette notion de classification. Et c'est donc pas la division ou la séparation qui va être importante en biologie, c'est au contraire faire l'effort intellectuel de regarder les partages. Sachant que chaque individu est unique, sachant que nous sommes tous différents, qu'est-ce qui fait que nous sommes parents? Qu'est-ce qui fait que, finalement, on a quand même des choses en commun, malgré notre unicité? Et ça, c'est un vrai effort intellectuel parce que il va falloir que le classificateur négocie la variété de ce qui existe avec le langage. Il va y avoir une négociation avec le langage. Si je mets vous et moi et le voisin ici dans la case Homo sapiens, ben je sais que la case Homo sapiens, c'est une convention de langage. Elle est justifiée par le fait que, ben, par exemple, nous utilisons le langage articulé et que nous partageons tous la posture érigée, par exemple. Mais néanmoins, lorsque je fais cette boîte, ça ne veut pas dire que je vais annuler dans ma perception toutes les différences individuelles. Je sais qu'elles restent là, je sais que chaque individu est différent, mais je négocie ces différences du fait que ma boîte, elle est conventionnelle. En quelque sorte, parler des partages, c'est parler d'un socle commun. C'est pas l'éradication des différences, c'est simplement porter son œil ou privilégier son œil sur ce qui est commun et tout en laissant momentanément de côté ce qui est distinct. Mmh. Ce qui est distinct servira à faire de la classification plus fine éventuellement à l'intérieur de la boîte précédente. C'est intéressant, Guillaume Lecointe, que vous parliez d'Homo sapiens, parce que justement, là aussi, nous héritons de dizaines, peut-être même de siècles d'histoire qui n'ont cessé d'essayer de montrer à quel point Homo sapiens, ou en tout cas l'être humain, est séparé du monde animal. Voilà ce qui nous sépare, voilà ce qui est le propre de l'homme, voilà ce qui nous rend distincts par rapport aux autres, et voilà ce qui constitue notre humanité. Oui, c'est tout à fait ça, c'est que cette logique de la coupure, de la séparation dont on parlait tout à l'heure, elle est omniprésente dans la philosophie francophone. Lorsque des primatologues donnent aux chimpanzés ou aux gorilles des postures ou des capacités qui jusque-là étaient réservées à l'humain, mmh. Eh bien dans la presse, souvent, c'est un peu l'émotion, hein, mais que reste-t-il du propre de l'homme ? L'humain cherche à se surdéfinir lui-même contre un animal, en opposition à un animal qui, lui, n'est jamais vraiment défini dans notre héritage culturel. Là, je ne parle pas des sciences, hein. Je parle de notre héritage culturel qui se pense en coupure. L'évolution, au contraire, vous engage à regarder ce que vous partagez avec vos plus proches cousins, puis vos cousins un peu moins proches, puis vos cousins encore un peu moins proches. Véritablement, la pensée évolutionniste moderne, en classant sur les partages, nous invite à nous penser dans la nature. Elle nous invite à, quelque part, entre guillemets, animaliser l'humain, c'est-à-dire accepter de voir en nous-mêmes, dans les différentes pièces de notre anatomie, celles des parties qu'on partage avec nos espèces collatérales. Nous n'humanisons pas les animaux, nous animalisons l'humain, en quelque sorte. C'est un geste qui remonte à Darwin, déjà. Mais est-ce qu'on n'humanise pas un peu les animaux dans le sens où cette vieille expression, il ne leur manque que la parole, c'est-à-dire cette espèce de biais qui nous enjoint de regarder les animaux à travers le prisme d'une humanité pour finalement les rendre plus familiers ou au contraire amplifier finalement ce qui nous sépare d'eux et qui montre que malgré tout à la fin l'être humain quand même est bien supérieur parce que, ouvrez les guillemets, il ne leur manque que la parole. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez raison. L'un contribue à l'autre. Au XVIIIe siècle, on pratiquait ce qu'on appelait l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on assignait aux animaux, quelque part, des postures humaines. Les scientifiques se sont méfiés de cette attitude, bien qu'ils l'aient pratiquée au début eux-mêmes. À la longue, ils ont fini par s'en méfier, et s'en méfier tellement que ça a contribué, paradoxalement, la science a contribué à maintenir une certaine forme de coupure entre l'humain et l'animal, ou l'animal et l'humain, de peur de faire de l'anthropomorphisme, voyez. Alors que si on renverse la question, c'est-à-dire la question n'est pas donner aux animaux des qualités humaines, mais c'est plutôt donner à nous-mêmes des qualités animales, avec cette révolution culturelle que ça demande, hein, vous y avez fait allusion. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, on peut pratiquer de la classification moderne qui réinsère l'humain dans son origine, enfin qui fournit une explication scientifique de son origine. Mmh. Et donc, comme je le disais, non pas se voir en coupure, l'homme coupé du singe ou l'homme coupé de l'animal, mais l'homme partage avec le singe voisin certains traits, partage avec le suivant d'autres traits. Se mettre au monde, c'est finalement documenter la myriade des partages que nous possédons avec d'autres êtres vivants, ce qui nous insère en nature. Quand on travaille donc et quand on regarde un peu aujourd'hui comment fonctionne la systématique contemporaine, il est question d'une hiérarchie par emboîtement. Vous pouvez nous expliquer comment finalement justement on passe de cette linéarité verticale avec un sommet à l'arbre à une hiérarchie qui fonctionne un peu comme une matrioshka? Ah oui, par emboîtement. Alors dans les matrioshkas, à l'intérieur d'une poupée, il n'y a jamais qu'une seule poupée. Ah, donc il peut y en avoir plusieurs. Voilà, c'est ça. C'est important à dire. Par exemple, la hiérarchie par emboîtement, c'est tout simplement cette idée que dans la boîte vertébrée, animaux pourvus de vertèbres, je peux distinguer à l'intérieur la boîte des oiseaux, alors d'extension moins grande, hein, il y a moins d'espèces d'oiseaux que d'espèces de vertébrés. Si j'en compte 62 000 espèces de vertébrés, il n'y a jamais que 10 500 espèces d'oiseaux. Voilà, la boîte est un peu plus petite. À côté de ça, il y a la boîte des mammifères avec à peu près 5 800 espèces. Et puis à l'intérieur de la boîte des mammifères, il y a la boîte des primates. À côté de la boîte des primates, il y a la boîte des rongeurs, etc. Donc, vous voyez, les boîtes s'emboîtent les unes dans les autres. Chaque boîte est justifiée par des partages. Il n'y a pas d'exclusion là-dedans. Le schéma mental n'incorpore pas d'exclusion. En fait, ce sont des partages emboîtés. Et c'est ce qui fait que c'est riche, parce que dans ce schéma-là, rien de ce qui ne fait de vous un vertébré, parce que vous avez des vertèbres, ne vous empêche d'être un humain par propriété superposée dans une boîte, qualifiée dans une boîte plus petite, qui est celle d'Homo sapiens. Ça réconcilie l'homme et l'animal, si j'ai envie de dire. Rien de ce qui ne fait de vous un animal parce que vous portez du collagène ne vous empêche d'être humain parce que vous avez du langage articulé. Vous n'avez plus à choisir entre être humain ou animal, vous pouvez être les deux à la fois. Oui, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que là, on est vraiment sur une forme d'inversion de paradigme dans la conception de l'évolution, puisqu'on n'est plus du tout dans quelque chose d'excluant, mais au contraire d'incluant ouais, systématiquement. Ouais. C'est ça. Concrètement, aujourd'hui, et on va venir à ce guide critique de l'évolution, et on va voir là aussi qu'on rajoute finalement des outils nombreux, et que bien passer des grandes catégories obsolètes comme pachyderme à ensuite bien quelque chose de plus fin avec la génétique, et bien on se rend compte qu'aujourd'hui la génétique elle-même ne suffit plus et n'est plus le seul outil, ou en tout cas l'outil final de la classification. Quel est aujourd'hui, comment est-ce qu'on effectue ce travail de classification? On a une certaine forme de recension du vivant, on est conscient qu'il nous manque encore beaucoup de pièces du puzzle, que certaines de ces pièces du puzzle disparaissent même avant qu'on ait pu les identifier. Quel est le travail aujourd'hui du systématicien pour enrichir, affiner et compléter cette classification? Il y a bien sûr l'inventaire du vivant qui continue. Ça, c'est indubitable. D'ailleurs, on a beaucoup plus conscience de ce qui nous reste à découvrir aujourd'hui qu'on en avait à la fin des années 80. À la fin des années 80, il régnait cette idée fausse, hein, que on aurait, bon, c'est bon, on a fait le tour, quoi. Depuis le temps qu'on explore. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà, passons à autre chose. Non, pas du tout. En 92, avec le sommet de Rio, on s'est, sur le plan politique et à l'échelon international, on s'est bien aperçu que, en fait, cette biodiversité qu'il s'agissait de sauver, de préserver, on en connaissait finalement assez peu, et surtout, on était en train de perdre les métiers qui permettaient de la caractériser. Le fameux « passons à autre chose » a fait que les systématiciens, on n'en a plus recruté dans les années 80 et 90. Et donc, il y a eu un changement de cap, si je peux le dire comme ça, à l'orée des années 2000. Les questions environnementales et la sauvegarde de la biodiversité a ramené sur le devant de la scène la nécessité de savoir ce qu'il y a là-dehors. Et donc, là, on parlait tout à l'heure de l'outil moléculaire. Il s'agit bien sûr d'explorer et faire de nouvelles expéditions, mais ça reste valide et ça reste en cours. Mais à côté de ça, il y a aussi des approches moléculaires qui nous montrent que dans l'extrêmement petit, si on séquence l'ADN environnemental d'un océan ou si on séquence l'ADN environnemental de la terre qu'il y a dans votre jardin, on va découvrir des lignages génétiques qui n'ont même pas été décrits par la science. et qui sont aussi divergents entre eux que les archébactéries, les œobactéries et les cellules à noyaux peuvent être divergentes entre elles. C'est-à-dire qu'il y a, autant de profondeur de temps généalogique dans la faune actuelle connue qu'il y en a dans la faune encore inconnue, y compris dans votre environnement le plus proche. C'est-à-dire qu'on sous-estime largement la diversité du vivant encore aujourd'hui, et l'inventaire est évidemment plus que jamais essentiel. Et pour travailler à ces questions de classification aujourd'hui, on est sur le front de la génétique, bien sûr, on est sur le front de l'organisation du génome à l'échelle des chromosomes, on est sur le front de l'anatomie comparée, parce qu'il y a aussi une idée fausse qui s'est promenée à un moment donné, c'est qu'on pensait que l'approche génétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la systématique moléculaire, comparer des gènes, c'est très efficace, c'est très puissant, en effet. Ça a permis de faire des sauts incroyables hein, dans la phylogénie du vivant, mais ça ne remplace pas l'approche anatomique. Au contraire, ça l'éclaire. Et les deux, finalement, anatomie comparée et génomique comparée, approche d'un côté des organes et des structures et de l'autre approche du matériel génétique, les deux s'éclairent mutuellement. Mmh. Et c'est très fécond, c'est comme ça qu'on travaille en tout cas. Oui, et puis et avec ce que vous soulignez, ce qui est là aussi assez vertigineux, c'est l'idée de dire que cet outil génomique, certes très puissant, est aussi une sorte de grotte obscure, parce qu'on se retrouve avec du matériel génétique qu'on ne sait pas identifier, ou en tout cas auquel on ne sait pas faire correspondre des espèces vivantes. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve avec ces fragments d'ADN qu'on ne sait pas attribuer? Alors, on appelle ça des phylums candidats, c'est-à-dire que on donne un nom provisoire à cette entité qu'on va appeler un taxon. Mais il n'y a pas encore, là si je fais allusion par exemple à ce qui se passe dans le monde bactérien, il n'y a pas encore de forme vivante, cultivable et cultivée, et même pas dans une collection de musées, sous aucune forme physique que ce soit, si ce n'est qu'une séquence d'ADN, et donc on appelle ça un phylum candidat en attendant mieux, mais ces phylums candidats permettent de mieux appréhender la partie du vivant qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, pour avoir un ordre de grandeur, une idée, si on exclut vraiment le microscopique, c'est-à-dire effectivement cette biodiversité bactérienne, combien d'espèces sont découvertes, identifiées chaque année encore? Oh, ça se compte en dizaines de milliers. Là, on en connaît 2 millions, un peu plus de 2 millions répertoriés, avec des spécimens mis en collection. Des spécimens de référence, j'entends, hein. mais il en existerait 80 millions, et les spécialistes discutent toujours beaucoup entre eux à ce sujet. Rien que les spécialistes de champignons pensent que 80 millions, ça serait seulement le nombre de champignons qui resterait à découvrir. Rien que pour les champignons. Bon, il y a du débat là-dessus. Ouais. Nous sommes en compagnie de Guillaume Lecointre tout au long de cette heure. On va rentrer dans ce guide critique de l'évolution. Il paraît qu'à l'origine, c'était censé être un bêtisier, donc on va bien rigoler dans quelques secondes musicales. Lover, there will be another one. Who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come. Today, when you see me fly away without you, shadow on the things you know. Feathers fall around you and show you the way to go. It's over. It's over. Nestled in your wings, my little one is special. Morning brings another sun. tomorrow. See the things that never come today. When you see me fly away without you, shadow on the things you know, feathers fall around you and show you the way to go. It's all Neil Young, Birds, puisque nous parlons entre autres d'oiseaux, du règne animal et de la place de l'être humain à l'intérieur de ce règne animal, en compagnie de Guillaume Lecointre, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, enseignant-chercheur en systématique et en zoologie à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité, et directeur de ce guide critique de l'évolution aux éditions Belin. En biologie évolutive, on étudie donc chez les espèces les liens entre morphologie et fonctions. Exemple tout de suite chez les oiseaux avec leur cou, un sujet qui ouvre de passionnantes perspectives pour la robotique, notamment reportage au laboratoire Mécadev du Muséum avec Céline Lozen. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Oui, la morphologie fonctionnelle étudie les relations entre la forme, la fonction et la physiologie d'un organisme. J'ai retrouvé Annika Bourachi, de biologiste évolutive, qui s'intéresse, elle, aux oiseaux, qui sont des dinosaures bipèdes spécialisés dans la fonction du vol grâce aux ailes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le cou est pour eux un organe clé, à la fois souple et articulé. Il leur permet de bien appréhender l'environnement, de s'alimenter et de construire des habitats, par exemple. Alors pour Annika Bourachi, étudier cette mécanique inspire directement des solutions technologiques pour des applications en robotique. Une des particularités des oiseaux, c'est leur cou. Alors ça semble, a priori, on le voit pas. On n'a pas l'impression que les oiseaux ont vraiment un cou. En fait, ils ont tous un long cou. Mais ils ont des longues plumes autour du cou. Tous. Alors quand le pigeon marche, on voit la tête qui a l'air de fonctionner indépendamment du corps. Comme voilà, si elle était dissociée. Un peu comme si elle était... Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que la tête est projetée vers l'avant, puis elle ne bouge plus du tout dans l'environnement. Elle reste complètement stable. Le corps, lui, avance tout à fait régulièrement. Enfin, le reste du corps avance tout à fait régulièrement. Donc, quand le pigeon avance sa tête et la stabilise, et que le corps avance, le cou se plie. Il va en arrière par rapport au corps. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, il est arrivé au bout, et paf, la tête est projetée vers l'avant pour se stabiliser de nouveau. Donc, c'est le cou qui fait tout ça. Et ça, c'est un réflexe visuel. En fait, le cou se déploie comme peut faire notre bras. En fait, c'est à peu près l'équivalent du bras parce qu'il y a trois zones de flexion différentes, comme pour nous. Alors, il y a beaucoup plus de souplesse que sur notre bras parce que nous, on a peu d'articulations. Tandis que les oiseaux, ils ont énormément de vertèbres. Il y en a entre 10 et 26. Allez. Chez les mammifères, il y en a toujours 7 vertèbres. Du coup, ça leur confère une grande agilité pour pouvoir appréhender l'environnement et faire des choses. Exactement. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au cou, parce que c'est très déterminant dans les capacités d'adaptation du système oiseau, du système mécanique un peu oiseau. Et alors, est-ce qu'on pourrait en venir justement à votre méthodologie ? Comment vous étudiez ça ? Par des représentations, même là on est entouré de dispositifs mécaniques. Oui, parce que, alors pour bien comprendre ce coup, c'est très très compliqué. J'ai contacté des roboticiens qui s'intéressent à un système qui est la tenségrité. C'est ce qu'on a ici. La tenségrité, c'est des structures... Alors à quoi ça ressemble ? Là on a trois bâtons et ces parties rigides sont reliées entre elles par des câbles. Ce qui fait que les câbles assurent une tension entre les différents éléments. C'est un système qui est stable, ça tombe pas. Si on le pose, ça tombe pas. C'est souple. Je peux le bouger, ça tombe toujours pas. Il peut se déformer un petit peu. Alors, dans l'évolution, c'est très certainement la tenségrité, un type de construction mécanique qui a été utilisé parce que ça permet d'être très souple, mais stable. Donc l'idée, c'est que ce type de système-là doit être utilisé dans l'évolution. C'est pour ça que c'était très intéressant, parce que c'est peu coûteux en énergie. C'est avantageux, donc. C'est avantageux. L'idée de travailler avec les roboticiens, c'est qu'eux s'intéressent à ces systèmes-là. C'est eux qui m'en ont parlé au début, d'ailleurs. Et moi, je leur proposais un système oiseau qui est très souple, qui est très léger et qui est très puissant. Si on pense la puissance qu'il faut à un pic pour creuser un trou dans un arbre, c'est un marteau-piqueur, en fait. Donc, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Et donc, on a conjugué nos réflexions pour trouver comment on pouvait, s'il y avait de la tenségrité dans le cou, la structure du cou d'un pic, et comment on pouvait utiliser l'anatomie pour concevoir des systèmes qui soient légers, puissants, et voilà. Alors donc, la méthode pour ça, c'est de bien comprendre comment fonctionne le cou, quelle est l'organisation. Donc on a expliqué ça à nos collègues roboticiens. Voilà, donc ils ont modélisé cette structure sur trois modules en utilisant des câbles et en faisant passer les câbles comme ça passe sur le cou d'un oiseau. C'est-à-dire un seul câble d'un côté qui est accroché à la base et trois câbles de l'autre côté qui va tirer dans l'autre sens. Et alors je vous montre là sur cette représentation. Donc ce système-là, il a été reporté sur un module technologique. Qu'on voit une structure. Une structure un peu mécanique. C'est, ça, c'est cette structure-là. Voilà, c'est exactement ça. Ah oui, alors là, c'est autre chose. Donc, on retrouve un peu l'esprit des bâtons. Voilà, oui, c'est ça. On retrouve la structure avec des bâtons, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'articulations, évidemment, mais ça se croise sans vraiment se toucher. Mmh. Et puis, on a une structure qui est mise en tension grâce des ressorts. Il y a trois barres, en fait. Une base et deux barres qui se croisent entre les deux. Des ressorts qui maintiennent le système, comme un câble en tension. Et des actionneurs qui sont des ficelles, sur lesquelles on peut tourner d'un côté, ou de l'autre. Et qui vont faire basculer le module à droite ou à gauche. Voilà. Et on a de l'autre côté un câble accroché sur chacun des trois modules, qui est en fait un peu l'équivalent des trois groupes de muscles qu'on trouve sur le dos du cou et que vous voyez ici. Et ensuite, avec une modélisation. Donc là, le module, vraiment, on dirait un cou qui va à gauche et après à droite. Voilà, ouais. Et il est actionné comme le cou d'un oiseau, avec un câble d'un côté et trois câbles de l'autre. C'est fou parce que le mouvement est fluide. Oui. On sent déjà tout le potentiel de ce genre d'application. Voilà. Donc là, c'est de la recherche. C'est du concept, en fait, concret. Et ce concept, ensuite, il va être utilisable pour construire des systèmes technologiques qui sont peu coûteux en énergie. Le fond de cette histoire, c'est ça, c'est de réduire au maximum notre consommation d'énergie. Et toute cette approche biomimétique, bio-inspirée, permet de s'inspirer des économies d'énergie. Donc c'est vraiment le fondement de cette recherche, c'est ça. Voilà ce reportage sur le biomimétisme du cou de l'oiseau en robotique. Une réaction, Guillaume Lecointre. Le biomimétisme s'inspire des économies, j'ai envie de dire de la nature, entre guillemets. Mais l'évolution nous explique aussi des choses qui, dans la nature, ne marchent pas très bien. C'est ça. On a une vision. Alors, je ne conteste absolument pas cette idée, la pertinence de l'idée qui consiste à s'inspirer de ce qui marche bien dans la nature pour construire des choses qui marchent mieux pour nous. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, il faut pas que ce regard envahisse tout le champ. Dans le corps humain, dans les corps biologiques en général, il y a des choses qui marchent pas bien et il y a que l'évolution qui peut l'expliquer. Par exemple, des choses qui servent pas grand chose. À 6 semaines du développement embryonnaire humain, nous possédons une queue de 9 vertèbres. Et puis, sur ces 9 vertèbres, à la 8e semaine, il y a 4 de ces vertèbres qui régressent et il n'en reste que 5. Alors on va se dire à quoi ça sert de construire 9 vertèbres pour en supprimer 4. Bah, ça, c'est le témoignage de l'évolution passée. Les 5 vertèbres qui restent vont fusionner avec le sacrum et ça va former le coccyx. Ça fait partie des choses que vous expliquez dans ce guide critique de l'évolution et qui est une autre des choses assez passionnantes, me semble-t-il, à déconstruire. C'est cette idée reçue sur laquelle la nature est bien faite, que tout est utile et tout est optimisé. Pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Je suis pas le premier à le dire. Nombreux ont été les chercheurs avant moi qui ont parlé de bricolage. Mais ce bricolage, il en reste des traces. Alors, il y a des organes qui fonctionnent tant bien que mal. Par exemple, votre rétine est bizarrement construite. Si vous regardez une rétine de pieuvre, les cellules qui sont excitées par la lumière, les cellules photoréceptrices, tapissent le fond de la rétine, et puis le câblage qui emmène cette excitation, signal électrique en fait, en signal nerveux vers le système nerveux central, ce câblage il est en arrière bien sûr des photorécepteurs. Et ben chez nous c'est l'inverse, c'est bizarre. Chez nous le câblage il est devant, c'est-à-dire qu'il s'interpose entre la source de la lumière et le photorécepteur. C'est comme si vous projetiez un film sur un écran, et puis que vous laissiez traîner des câbles entre le projecteur et l'écran, quoi. Ce qui fait qu'en plus, il y a un point aveugle dans la rétine des vertébrés. Il y a des choses bizarrement construites qu'on peut pas comprendre seulement sous l'angle de l'optimisation physique. Les corps sont le fruit de l'histoire aussi. C'est ça l'idée. Et puis, il y a des choses qui marchent pas bien. Il y a des choses qui marchent même plus du tout. Par exemple, vos trois muscles du pavillon de l'oreille, vous avez un muscle auriculaire supérieur, inférieur et postérieur, trois muscles sur chaque côté de votre tête. Ben, ces muscles sont tout petits et ils sont le témoignage de muscles qui, chez d'autres animaux, sont beaucoup plus développés. Chez le lapin, par exemple, ou le chat, qui remue bien leurs oreilles, qui oriente leur audition avec ça, ça rend leur audition plus efficace. Leur audition plus efficace, et ça leur permet de communiquer entre eux aussi, parce que la position des oreilles chez le chat, ça indique son humeur. Dans ce guide critique de l'évolution, vous disiez alors que à l'origine, au départ, c'était censé être un bêtisier de l'évolution, c'est-à-dire. Oui, avec mes trois co-auteurs, Marie-Laure Lelouarn-Bonnet, Gérard Guillot et Corinne Fortin, nous avions voulu au départ orienter notre lectorat sur la façon dont nous parlons d'évolution. C'est pas un guide qui va critiquer les concepts de l'évolution, c'est un guide qui va critiquer la façon dont nous parlons d'évolution en général, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les médias variés, mais aussi en l'enseignement, parce qu'il s'agit aussi d'aider les enseignants à pouvoir parler d'évolution sans faire des phrases qui trahissent le concept d'évolution, et puis aussi inciter nos collègues chercheurs à ne plus faire des métaphores qui sont regrettables. Je vous donne juste un exemple. Il est complètement installé depuis plusieurs décennies chez les chercheurs qui travaillent en évolution, c'est cette notion de stratégie adaptative. Si on regarde le dictionnaire, une stratégie, ça se calcule à l'avance. C'est comme si les membres d'une espèce se réunissaient autour d'une table et puis allaient regarder la carte des opportunités et allaient dire, écoutez, toi, tu vas aller là, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Comme s'il y avait un dessin concerté, en fait. Cette métaphore de la stratégie, alors évidemment, bien sûr, personne n'est dupe, on sait très bien que c'est une métaphore. Mais on voit régulièrement nos collègues chercheurs parler devant un grand public et utiliser ce terme dont les scientifiques entre eux savent que c'est une métaphore, la stratégie, et la divulguer comme ça sans prévenir. Alors évidemment, le public comprend aussi que c'est une métaphore, mais de métaphore en métaphore, et il y en a plusieurs comme ça, des métaphores, on finit par parler un langage qui ne ressemble plus du tout à cette notion d'évolution qui est très contre-intuitive et à laquelle la grammaire est rétive. C'est cette idée que nous vivons dans un monde dont l'optimalité n'est que le fruit d'un cimetière invisible, un cimetière énorme. Si les choses marchent bien, c'est qu'en fait, elles ont pu très bien moins bien marcher, mais ceux qui, chez qui ça marchait moins bien, ils n'ont pas fait de descendance ou pas suffisamment pour arriver jusqu'à nous. Et donc, si ça marche bien, c'est que les populations naturelles sont élaguées de ce qui marche pas à chaque génération. Et donc, c'est très contre-intuitif pour nous de savoir qu'il puisse y avoir quelque chose qui fonctionne sans que ça ait été voulu pour fonctionner. Parce que nous sommes des concepteurs nous-mêmes. Vous voyez, comme nous projetons nos intentions conceptrices sur la nature, nous pensons que parce que quelque chose marche bien, c'est forcément bien fait et que ça a été voulu pour ça. Eh bien, l'évolution vous incite à raisonner à l'envers, c'est-à-dire, si ça marche bien, personne ne l'a voulu. C'est juste que ceux chez qui ça marche pas sont morts, quoi. Enfin, ou n'ont pas fait assez de petits. Il y a autre chose, justement, qui est assez contre-intuitif et que vous allez nous expliquer, parce que je trouve ça assez intéressant et même parfois limite un peu vertigineux. J'en parlais tout à l'heure au début de l'émission. C'est l'idée selon laquelle la sélection naturelle a avant tout un rôle stabilisateur, alors que bien finalement, quand on imagine sélection naturelle, c'est la survie du plus apte, c'est au contraire le rôle transformateur. Or, ça n'est pas tout à fait le cas. Oui, alors ça fait partie des prises de conscience récentes. Il y a pas mal de choses qui ont changé ces 20 dernières années en évolution. On n'aura peut-être pas le temps d'en faire le tour, c'est certainement, mais il y a au moins cette idée que on retourne un petit peu au raisonnement premier de Darwin, c'est-à-dire que pour Darwin, la sélection naturelle explique d'abord la ressemblance, la stabilité. Quand vous regardez le sous-titre du livre de Darwin, donc l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des variants favorisés au cours de la lutte pour l'existence, il parle de préservation, il parle pas de transformation, il parle pas d'évolution, dans le sous-titre en tout cas. Pour dire rapidement qu'à court terme, pour Darwin, les populations varient dans tous les sens, ça c'est clair, hein. Il suffit d'accepter de voir la variation. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même visage, chaque individu en biologie est unique, nous l'avons déjà dit. Donc cette variation, elle est manifeste, elle part dans tous les sens. Et la question qu'il se pose, c'est malgré cette variation foisonnante et spontanée, comment se fait-il que d'une génération à l'autre, il y ait une moyenne qui se maintienne et qui fait de la ressemblance entre les individus? Quelle est l'origine de la ressemblance? Ressemblance à partir de laquelle je fais une espèce, je crée une espèce pour les besoins de mon langage. Eh bien, l'origine de ce resserrement de la moyenne, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire que les variants un peu trop extrêmes dans leur forme par rapport aux conditions de l'environnement du moment, ne se maintiennent pas dans le lignage. Seuls se maintiennent ceux qui sont, on va dire, pour le moment pourvus des conditions qui leur permettent de faire des petits, parce que c'est la généalogie qui va compter pour l'évolution. C'est un raisonnement à l'échelle de la population. Et oui, la sélection naturelle est dans un premier temps source de régularité. Sur le long terme, on est bien d'accord, hein, sur le long terme, si le milieu change, le filtre va changer et donc la moyenne de la population va se déplacer. Et donc là, il y aura eu changement, bien sûr. Mais on a oublié de rappeler, à la fin du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a oublié de rappeler, en effet, que la sélection naturelle était d'abord l'explication de la ressemblance, avant que d'être l'explication du changement. Oui, et il faut que les entités varient, bien entendu, mais il faut que cette variation puisse se transmettre, et vous expliquez aussi, et ça je trouve ça assez passionnant, que c'est le passage finalement du chimique au biologique. Oui, alors oui, il y a de ça, c'est-à-dire que est susceptible de manifester de la sélection naturelle ce qui varie, ce qui se transmet dans un système de contraintes. Et en effet, aujourd'hui on pense que certaines classes de molécules souscrivent aux trois critères et sont susceptibles de subir la sélection naturelle. Et s'il y a bien une chose qui a changé aussi ces 20 dernières années, c'est justement ce module transmission. Pour le dire en deux mots, on sort de 50 ans de biologie très centrée sur le gène. Quand j'étais étudiant, c'était très difficile d'arriver à penser la transmission d'une génération à une autre qui ne passe pas par l'ADN de nos cellules sexuelles. Aujourd'hui, on a élargi le champ et on sait qu'on transmet beaucoup de choses. Hein. On transmet le cytoplasme de l'ovule, on transmet des marques épigénétiques, on transmet des comportements, on transmet des aptitudes à capter des ressources par apprentissage. On transmet des traditions culinaires, on transmet des langues, on transmet aussi des niches écologiques. Alors, pour parler d'un animal que j'aime bien, le républicain social. Alors, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique, mais c'est bizarre. On a appelé cette espèce-là le républicain social. C'est un oiseau. C'est un oiseau qui habite, une espèce d'oiseau qui habite le désert du Kalahari. Et les nids sont construits collectivement. Et ces nids pèsent plusieurs tonnes. plusieurs tonnes, des nids qui sont vieux de 100 ans, de 120 ans parfois. Et donc on se doute bien qu'il y a plusieurs générations d'oiseaux qui se sont succédés dans ce nid construit et entretenu collectivement, sur des pylônes ou sur des arbres. Hein. Dans ces nids, il fait beaucoup plus chaud. Pendant la nuit du désert, qui est fraîche, il fait plus chaud dans le nid qu'il ne fait dehors. Et à l'inverse, en journée, il fait plus frais dans le nid que les températures insoutenables, torrides, du dehors. Et donc, ces oiseaux se sont construits en quelque sorte, alors un nid, oui, mais aussi une niche thermique et puis de protection aussi, parce que dans chaque alvéole du nid, y a un couple avec des petits. Et de génération en génération, ils maintiennent ce nid. Et ce qui est transmis à la génération suivante, c'est pas seulement un apprentissage, c'est aussi le nid lui-même et les conditions qui y règnent. C'est ce qu'on appelle la transmission de niche. Et les termites font pareil. Hein. Les termites sont élevés dans des conditions chimiques de température et d'hygrométrie qui ne sont pas celles du dehors. Et donc, en fait, le message de l'histoire, c'est que les êtres vivants ne sont plus pas seulement ils subissent pas seulement passivement la sélection naturelle, ils sont aussi quelque part, en partie les acteurs de la sélection naturelle. Et ça, c'est assez nouveau dans l'acceptation qu'on en a, en tout cas. Et un dernier mot pour conclure, Guillaume Lecointre. Il y a dans ce guide critique de l'évolution au centre un cahier enrichi pour cette deuxième édition. Racontez-moi un peu, parce que ce cahier, c'est vraiment pour le coup une plongée, une invitation dans le passé avec des illustrations en couleurs magnifiques qui recréent des écosystèmes. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, ce cahier, ce sont les superbes dessins d'Alain Bénéfice. Bravo à Alain. C'est vraiment magnifique. Oui. Ouais. En fait, nous avons voulu, avec mes co-auteurs, inciter à utiliser ce qu'on appelle les paléopaysages d'une manière la plus exacte possible. Souvent, quand on représente les paysages du passé, on grossit les différences et on minimise, pour rendre le paysage spectaculaire, on grossit le dinosaure qui a disparu, on grossit l'insecte qui nous apparaît monstrueux. En fait, il faut que ce monde du passé soit plus monstrueux, plus spectaculaire qu'il ne l'a probablement été. Par exemple, on oublie de dire que à l'époque des dinosaures, il y avait aussi des grenouilles, il y avait aussi des crocodiles. Bref, il y a des éléments de faune qui sont toujours là aujourd'hui. Et des petits mammifères, des rongeurs. Voilà, on amplifie les différences et on minimise les ressemblances quand on représente un paléopaysage. Et là, nous avons souhaité, à différentes époques de l'histoire du vivant, rééquilibrer la balance en disant, oui, d'accord, il y a des espèces spectaculaires qui ont disparu, mais il y a aussi des éléments de la faune qui ressemblent fortement à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est rééquilibrer ce jeu qui est le jeu de la biologie, hein, entre les différences et les ressemblances. Merci beaucoup Guillaume Lecointre. Vous pouvez consulter et vous procurer ce très passionnant guide critique de l'évolution dirigé par Guillaume Lecointre avec Corinne Fortin, Gérard Guillot, Marie-Laure Lelouarn, les illustrateurs Alain Beneteau, Thomas Essig et Dominique Visset. C'est aux éditions Belin Éducation, également Le Monde Vivant, les chroniques de Bruno David enrichies par vos soins, c'est aux éditions Grasset. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Marie-Claire Roumabadi à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.